Oyez, oyez, les jeux Mission Patrimoine sont de retour en point de vente et sur fdj.fr. Avec les tickets à gratter illico Mission Patrimoine, vous pouvez gagner jusqu'à 1,5 million d'euros tout en aidant le patrimoine français. Pour chaque ticket acheté, une part est reversée à la Fondation du Patrimoine pour aider à la restauration de monuments en péril. Alors jouez pour vous et pour l'histoire. Le cours de l'histoire, Xavier Mauduit. Le 1er août 1960, c'est un beau bébé qui naît. 700 km de long, plus de 200 000 km pour une population supérieure à 2 millions d'habitants. Ce nouveau pays prend le nom de République du Dahomey. Mais en réalité, plus qu'une naissance, il s'agit d'une étape dans la longue histoire des habitants de cette partie de l'Afrique. Après la colonisation française, le Dahomey obtient donc son indépendance en 1960 et 15 ans plus tard, l'adolescence sans doute, il change de nom, il devient le Bénin. L'historienne Hélène Dalmeda Topor connaît bien ce pays. Elle y a enseigné, elle y a vécu, un pays qu'elle a étudié notamment à travers les Amazones du Dahomey, objet de nombreux fantasmes. Et le 1er août 2020, jour du 60e anniversaire de l'indépendance du Dahomey, Hélène Dalmeda Topor nous quittait. À travers elle, c'est une histoire à raconter, celle d'un pays, celle d'un continent, celle aussi d'une historienne, celle d'une Amazone. Cette semaine, dans le cours de l'histoire sur France Culture, nous nous sommes intéressés à l'histoire de Beyrouth. Beyrouth, ville millénaire, escale phénicienne à Beyrouth, nouvelle capitale. Beyrouth sous mandat français, après la guerre civile reconstruire. Et Beyrouth, le patrimoine d'une ville mémoire. Des émissions à réécouter en ligne sur le site internet du cours de l'histoire, franceculture.fr ou bien en podcast. C'est la balado-diffusion. Des émissions à commenter sur le groupe Facebook, le cours de l'histoire. Aujourd'hui, nous allons parler des Amazones du Dahomey, mais également des indépendances africaines, mais aussi des démarches adoptées par une historienne, l'historienne Hélène Dalmeda Topor, qui nous a quittés avec nous aujourd'hui pour en parler. Odile Görg, bonjour. Bonjour. Vous êtes historienne, spécialiste de l'histoire sociale et urbaine de l'Afrique contemporaine, professeure émérite d'histoire de l'Afrique contemporaine à l'Université Paris Diderot. Vous êtes l'auteur d'un ouvrage intitulé « Les indépendances en Afrique, l'événement et ses mémoires, 1957-2010 ». Et puis plus récemment, un cinéma ambulant en Afrique, Jean-Paul Sivadier, entrepreneur dans les années 1950. Là, nous sommes en Afrique de l'Ouest, c'est ça. C'est un homme qui a parcouru l'Afrique. Avec son cinéma, oui, avec son projecteur. Il y a des démarches particulières à adopter quand on étudie l'Afrique, parce que dans le schéma classique, l'historien, l'historienne s'appuie sur des écrits. Or, pour l'histoire de l'Afrique, ces écrits proviennent de manière majoritaire des colonisateurs. Par exemple, ces démarches de suivre un individu qui montre du cinéma, d'écouter parler les gens, c'est une des révolutions qu'a pu apporter l'historienne Hélène Dalmeda Topor. En plus de ses études, il y a cette démarche et c'est important pour l'Afrique. Alors effectivement, Hélène Dalmeda Topor s'inscrivait dans une démarche qui lui était contemporaine, Marc Bloch et autres, sur la diversité des sources, mais elle a contribué grandement avec les historiens et historiennes de son époque à diversifier les sources pour l'histoire de l'Afrique. Je vais citer pour elle, puisque vous avez parlé des Amazones, son intérêt pour les entretiens oraux et pour les chansons, que chantaient les Amazones. Oui, qu'elle a retranscrit et qui sont des documents qui peuvent servir, qui servent à construire une histoire. Avec nous également aujourd'hui pour évoquer Hélène Dalmeda Topor, Catherine Kokri-Vidrovitch. Bonjour madame. Bonjour. Nous voulions vraiment vous avoir aujourd'hui parce que vous êtes historienne spécialiste de l'Afrique, professeure émérite à l'Université Paris Diderot, vous aussi, et parce que vos travaux portent sur la colonisation, le concept d'impérialisme. Vous êtes l'auteur d'un ouvrage intitulé « Les routes de l'esclavage, histoire des traites africaines du 6e siècle au 20e siècle » et puis d'autres ouvrages à enjeux politiques de l'histoire coloniale. Et puis, j'ose le dire, vous étiez amie proche d'Hélène Dalmeda Topor. Je peux dire que en histoire africaine, en direction de recherche et en histoire africaine, nous nous sommes formés et entraînés ensemble. Nous sommes contemporaines, un ou deux ans près, et quand Hélène est rentrée du du Togo. Je crois qu'elle a enseigné beaucoup au Bénin, mais aussi un peu au Togo. Ça devait être en 72-73. Nous venions à Paris 7 de créer justement un laboratoire d'histoire comparée des pays du Sud. Et comme elle était arrivée à Paris 12, où il n'y avait personne, nous étions très heureux de l'accueillir. Et nous avons travaillé ensemble à cette recherche depuis le démarrage, je peux dire. Sur l'Afrique subsaharienne. Catherine Kocribidrovitch, effectivement, il faut bien le souligner, en évoquant Hélène d'Almeida Topor, nous évoquons son objet d'étude, l'Afrique, sa démarche également, et puis sa vie qui se mêle à son objet d'étude, et c'est ça qui nous intéresse aujourd'hui. Avec nous dans le cours de l'histoire sur France Culture également, Ghislain Moupebele Makadjoka, bonjour. Bonjour. Vous êtes doctorant, nous jouons sur les contrastes de génération, c'est ça qui est intéressant. Vous êtes doctorant rattaché au Centre de Recherche Historique de l'EHESS, l'École des Hautes Études en Sciences Sociales. Vous allez prochainement soutenir votre thèse « Le Gabon, la France et la Banque des États de l'Afrique centrale 1959-1992 entre logique géomonétaire et financement de l'économie ». Ah bah oui, c'est un titre de thèse, hein. Il faut le dire. Nous voulions vous avoir aujourd'hui pour évoquer ce regard des jeunes chercheurs sur le travail des anciens, de ceux qui ont défriché le terrain. Quand nous évoquons devant vous le nom d'Hélène d'Almeida Topor, tout de suite, évidemment, vu que vous travaillez sur l'histoire monétaire de l'Afrique, il y a un écho évident. Oui, bien sûr, bien sûr. Hélène d'Almeida Topor, dans ses recherches, elle a beaucoup travaillé sur l'histoire des institutions monétaires et financières, non seulement dans le contexte de la colonisation, mais aussi dans le contexte de la décolonisation. Et donc, c'est tout à fait normal pour un historien économiste comme moi de pouvoir en parler avec vous. Voilà. Et puis, il y a toujours un exercice à faire quand nous sommes face à un doctorant qui nous présente son sujet de thèse. C'est de quoi traite votre thèse en quelques mots? Oui, bah pour faire, disons que ma thèse traite justement des relations monétaires entre la France et le Gabon dans le contexte post-colonial. Et c'est intéressant d'en parler vu que nous fêtons les 60e anniversaire des indépendances. Et le débat sur le franc CFA est très actuel. Et c'est très important de réfléchir un peu sur ces questions et de participer à un débat qui est très fort actuellement. Ouais. Oui, c'est le franc CFA, c'est vrai qu'il faut le rappeler, hein, combien c'est un outil de domination également et un vrai enjeu. Donc, très bel objet historique. Pour commencer cette évocation d'Hélène d'Almeida Topor, je vous propose une archive étonnante, émouvante, sublime sans doute. Cette archive-là a été enregistré le 31 juillet 1960 à 23h57. On la retrouve dans la collection de la radio-télédiffusion française. Elle est enregistrée au Dahomey, bien sûr. Écoutez la radio du Dahomey. Nous sommes le 31 juillet 1960 à 23h57. Minuit moins 3. On a beau être technicien de la radio, on est ému lorsqu'il s'agit de la proclamation d'une indépendance et surtout s'il s'agit de la proclamation de l'indépendance d'une république d'Afrique. Minuit moins 3. Minuit moins 3, devrais-je dire, minuit moins 2, 30 secondes. Monsieur Hubert Maga, tout à l'heure, va prononcer l'indépendance totale et sans condition de la république du Dahomey. Minuit moins 2 minutes. Toutes les personnalités du Conseil de l'Entente sont là, présentes. Je vois, j'aperçois le président Oufuor Boigny, M. Yaméogo, M. Amane Diori, et non loin des micros de la radiodiffusion, M. Hubert Maga, qui n'a plus que 1 minute et 30 secondes pour prononcer l'indépendance de la République du Dahomey. Toutes les personnalités que je vous ai citées, les chefs d'État. Et bien sûr, il y a là de nombreux ministres, de nombreux chefs supérieurs, et je vous assure que c'est une véritable ambiance de kermesse qui règne au palais du haut-commissaire, à l'ancien palais des gouverneurs, qui vient d'être remis solennellement à la République du Dahomey. Voilà, la République du Dahomey est indépendante. Il était minuit moins 3, mais ça y est, minuit est passé en 1960. Le Dahomey, aujourd'hui, le Bénin. ce moment est très particulier, ce moment de l'indépendance. Il est intéressant quand nous évoquons Hélène d'Almeida Topor qui obtient l'agrégation en 1959. Donc voilà, juste dans cette période-là. Catherine Kokri-Vidrovitch, où en est-on à cette fin des années 50, en période de décolonisation, de lutte pour la liberté de ces pays? Où en sommes-nous du champ historique de l'Afrique? L'Afrique est un territoire étudié à l'université? L'Afrique subsaharienne, l'Afrique du Nord était étudiée, mais l'Afrique subsaharienne ne l'était pas du tout encore. Et disons, la plupart des universitaires, des historiens, disaient à l'époque que l'Afrique noire, comme on disait à l'époque, n'avait pas d'histoire. Ce qui est tout à fait étonnant, puisque tous les peuples ont une histoire, c'est-à-dire que cette histoire n'était pas encore écrite, en particulier par les historiens français et francophones. Mais elle commençait déjà à l'être par les Anglais. Donc, quand nous avons commencé à travailler, Hélène et moi, nous n'étions pas tout à fait la première génération, mais nous étions, disons, la première génération professionnelle, c'est-à-dire historienne formée pour écrire l'histoire, historienne de métier. Nos prédécesseurs étaient plutôt d'anciens administrateurs d'outre-mer qui avaient été conquis par cette histoire, qui s'en étaient rendu compte, en particulier Yves Persson, qui avait beaucoup fait campagne pour précisément renouveler et restaurer l'histoire orale, qui est très importante en Afrique dans la mesure où ce sont des sociétés de l'oralité qui ont connu des écritures, mais beaucoup moins que la transmission par l'oralité. Et d'où l'importance, effectivement, qu'Hélène a apporté, que j'ai apporté, que tous les historiens ont apporté, au croisement des sources. Il y a des périodes où on n'a que des sources orales, et puis il y a des périodes où on a beaucoup de sources différentes, écrites, orales, archéologiques, etc. À ce moment-là, le croisement de ces sources apporte énormément parce qu'on peut restituer le vécu africain qui n'apparaît guère dans les sources coloniales. L'importance des sources, hein, c'est toujours essentiel que lorsque l'on fait de l'histoire, et pour l'Afrique, ça l'est, comme pour les autres sujets que l'on peut étudier. Catherine Kokri-Vidrovitch évoque le fait qu'à la fin des années 50, dans les années 60, quand ces Amazones de l'histoire se lancent dans ces études, certains considèrent que l'Afrique n'a pas d'histoire, disons-le d'ailleurs beaucoup plus récemment, mais ça ne vient pas de l'université, ça vient du monde politique. D'autres considéraient que l'Afrique n'avait pas d'histoire. On sait bien que ce n'est pas du tout le cas. Cette histoire de l'Afrique pourrait paraître une histoire compliquée lorsque l'on vit l'événement, lorsque, et notamment c'est le cas d'Hélène d'Almeida Topor, lorsque l'on se trouve, en l'occurrence c'est au Dahomey, aujourd'hui le Bénin. Bon, tout simplement, les démarches de l'historien, de l'historienne sont là. Odile Gorg, peu importe en fait le positionnement, il y a juste une méthode scientifique à apporter à l'étude. En l'occurrence là, c'est les indépendances africaines ou l'histoire de l'Afrique. Alors effectivement, je rajouterais par rapport à ce que Catherine Kokri-Vidrovitch vient de dire, qu'il a fallu lutter pour que l'oralité soit incluse comme source valide. Et c'est justement cette génération, en France et ailleurs, qui va le faire. Dans une tradition aussi plus large, puisqu'à la même époque, les sociologues s'y intéressent. Alors, puisqu'on fait le lien entre Hélène d'Almeida Topor et les indépendances, j'aimerais bien qu'on cite un de ses ouvrages, plus petit, mais qui a marqué, qui s'appelle « Naissance des États africains », et justement qui est un ouvrage où elle insiste sur la diversité des sources. C'est un ouvrage où il y a beaucoup d'iconographie, qui est importante, mais c'est aussi, par exemple, un ouvrage où Hélène va analyser les hymnes nationaux et les paroles des hymnes nationaux et qui les a écrits et pourquoi, etc. Donc elle essaye, dans cet ouvrage en particulier, d'élargir les sources et de bien montrer que l'histoire peut se faire en respectant, comme vous l'avez dit, une méthodologie. Oui, c'est ça qui est incroyable, hein, lorsque l'on évoque l'histoire de l'Afrique, souvent L'opposition apparaît en disant non, il n'y a pas de source. Odile Gorgue, vous le confirmez, il y a énormément de sources, il faut juste savoir les chercher et savoir les étudier. Les sources sont différentes. Si nous prenons le cas des Amazones qu'Hélène d'Almeida Topor a étudié, c'est vrai qu'il y avait cette démarche. Alors on est peut-être aussi dans un champ anthropologique d'aller à la rencontre des gens, de les faire parler, enfin de récolter le témoignage. Il y a aussi eu cette démarche chez elle. Elle a rencontré les dernières Amazones. Déjà, il faut rappeler qui étaient ces Amazones du Dahomey. Alors, je dirais pour commencer que Hélène d'Almeida Topor s'est intéressée à ce régiment féminin lorsqu'elle était au Dahomey dans les années 60, sans vraiment écrire sur elle à ce moment-là. Et son travail est postérieur. 1984. La première édition 1984. En réaction avec ce que vous avez évoqué un peu avant, c'est-à-dire tous les fantasmes qu'il y avait autour des Amazones, et elle a bien voulu montrer, en utilisant des sources variées, que ce n'est pas un fantasme, c'est un corps féminin avec toutes les horreurs que ce corps féminin peut, en tant que guerrière, faire, mais aussi en montrant l'éducation qui fait que de ces femmes, on va faire des guerrières. Alors, en ce qui concerne le témoignage, je dirais quand même que lorsqu'elle est au Dahomey dans les années 60, il n'y a plus d'Amazones. Et d'ailleurs, plusieurs conversations avec elle m'ont bien montré qu'elle pensait, source à l'appui, que la majorité des Amazones étaient mortes en 1892, c'est-à-dire au moment des combats, et que les femmes qu'on montrait dans ces expositions, exhibitions à travers la France ou l'Allemagne ou ailleurs, n'étaient pas de vraies Amazones. Et j'avais trouvé une source dans les archives à Londres, d'une femme qui était dans une troupe allemande, qui se plaignait du fait qu'on lui faisait jouer l'Amazone alors qu'elle venait de Sierra Leone, qu'elle était éduquée, etc. Donc la question de l'existence même dans les années 60 est à mettre en doute. Par contre, elle a fait des entretiens avec des gens qui avaient côtoyé ce système, qui en connaissaient les principes, etc. Et puis, il y a aussi la parole même d'Hélène d'Almeida Topor qui parle des Amazones. Nous allons l'écouter enregistrée en 1984, c'était le 25 octobre 1984. Hélène d'Almeida Topor, qui nous a quittés le 1er août 2020, discute avec l'écrivain Gilles Lapouche, qui lui nous a quittés un jour avant, le 31 juillet 2020. C'est un dialogue d'outre-tombe à propos des Amazones. On peut les envoyer pour espionner dans tel ou tel pays voisin avant de faire une expédition. Et à ce moment-là, elles enlèvent tous les ornements qui font d'elles des Amazones. Elles s'habillent comme n'importe quelle femme du pays où qu'elles vont visiter. Et donc, il faut qu'elles connaissent la langue. Alors, les Amazones, moi, en réfléchissant à la question, je me suis rendu compte qu'elles étaient certainement parmi les personnes les plus instruites de tout le royaume. Bien sûr. Parce qu'elles connaissaient évidemment le fond, obligatoirement, et puis alors trois ou quatre langues alentour. Elle connaissait aussi les chemins pour y parvenir. Bon, elle connaissait les coutumes des autres peuples. Enfin, c'était quand même... Des ethnologues, d'une certaine manière. Oui, enfin, avec une finalité pire que nos ethnologues, qui quand même sont bien... Oui, Hélène d'Almeida Topor qui évoque les Amazones. C'est vrai, les Amazones, objet de nombreux fantasmes, ces guerrières du Dahomey qui avançaient en tête des troupes, qui brandissaient la tête décapitée de leurs ennemis. Catherine Cochry-Vidrovitch, cet ouvrage sur les Amazones paraît en 1984. Dans la démarche d'Hélène d'Almeida Topor, il y a deux choses qui nous intéressent énormément. Bon, déjà, l'étude de l'Afrique par des méthodes différentes que celles qui étaient traditionnellement imposées à l'université. Et puis aussi, il y a une histoire du genre en regardant les Amazones. Catherine Cochry-Vidrovitch, il y avait une révolution dans la démarche historique. Oui, elle était en train de se faire à ce moment-là. Et nous ne parlions pas encore en France de genre, mais de conditions féminines, mais nous avions parfaitement conscience que le rôle des femmes dans la société africaine et dans l'histoire africaine était importante et négligée. Et par conséquent, je pense que l'idée d'Hélène... Hélène avait beaucoup d'idées. Je dis quelquefois que les historiens doivent être, et comme elle l'était, extrêmement exigeants sur les sources et la confrontation des sources. mais avoir une dose, disons, d'imagination contrôlée qui permette de faire des hypothèses et d'aller vérifier précisément et de rechercher dans les sources dans quelle mesure ces hypothèses ne sont pas. Donc, elle avait la prescience des questions qui allaient être vraiment importantes. Et je pense que c'est un peu dans cette optique qu'elle a pensé aux Amazones, sans penser encore précisément aux questions de genre, mais en sachant que c'était véritablement un corps très représentatif des idées représentées, et tout ce qui a suivi a confirmé. Comme très souvent, Hélène a été a pressenti des thèmes qui allaient devenir majeurs. Odile Gorg, vous avez été étudiante d'Hélène d'Almeida Topor. Enfin, comment se construit une rencontre comme ça entre deux historiennes? Alors, je n'ai pas été étudiante d'Hélène d'Almeida Topor. J'ai connu Hélène d'Almeida Topor au début des années 80 par Catherine Kokrividrovitch, dont j'étais l'étudiante de thèse à l'époque. Et on a tout de suite travaillé ensemble. Et je crois qu'une des qualités de l'équipe qu'avait forgée Catherine et à laquelle s'est alliée Hélène d'emblée, c'est le travail collectif. C'est vraiment une marque de fabrique de ce laboratoire, le travail collectif, l'organisation de colloques sur des thématiques novatrices à l'époque, ben pour montrer voilà, que l'histoire de l'Afrique se fait, et se fait avec les mêmes méthodes et la même diversité de sources. Ghislain Moupébélé Makadjoba, je me tourne vers vous. Vous êtes doctorant, donc nous évoquons un autre monde, un monde ancien, mais pourtant totalement pertinent. Parce que quand vous travaillez, en l'occurrence, sur l'histoire monétaire de l'Afrique, vous êtes confronté à des questionnements qui vous obligent à regarder ce qu'ont fait les historiens et les historiennes du passé, et vous sentez cette pertinence de démarche. Oui, tout à fait, en particulier sur la question des sources. Effectivement, lorsqu'on parle de l'histoire de l'Afrique, il se pose la question de l'accès justement à ces ressources-là. Or, pendant longtemps, on a toujours pensé que, on ne peut pas écrire l'histoire de l'Afrique puisque ça a été dit par Madame Catherine Kokrividrovitch et par Madame Gorg, que en l'absence de sources écrites, on ne peut pas écrire l'histoire. Et davantage sur des questions économiques qui sont des questions quand même très très très techniques, et sur l'histoire monétaire, on est aussi confronté à la question des statistiques. Ça, c'est un gros problème. C'est une question qui est aussi actuelle. Alors, dans sa démarche, Hélène d'Almeida Topor a pu faire un travail énorme de collecte des données statistiques, de faire un travail là-dessus, c'est-à-dire de poser des problématiques et de mettre en œuvre des méthodologies ou une méthodologie adaptée à ce type de problématiques. Et on le voit en particulier dans son livre sur l'histoire économique du Dahomey, où il y a un travail important de quantification, c'était même très rare, à l'époque où les questions, par exemple, des approches plus ou moins d'histoire sociale ou d'histoire institutionnelle étaient privilégiées. Donc, c'est important aujourd'hui de toujours faire référence justement à ces travaux. Oui, ce que vous évoquez est important. Effectivement, dans la démarche de l'historien, de l'historienne, il y a l'analyse des données, bien sûr, mais avant cela, il faut souvent récolter ces données. Et il est difficile, dans certains champs d'études, de le faire. En histoire économique, c'est difficile. Ghislain Moupébélé Makadjoba, c'est vrai que pour l'histoire de l'Afrique, il y a ce contraste saisissant entre l'image imposée d'une Afrique ancienne sans source, alors qu'il y en a, les musées en sont pleins, surtout ceux en Occident, et puis des sources très nombreuses, souvent, j'imagine, chez nous, en Occident, les sources de l'histoire économique de l'Afrique. Oui, c'est un gros problème auquel les historiens sont confrontés aujourd'hui. Mais de plus en plus, on se base un peu sur la diversité des sources pour pouvoir contourner ce problème. Alors, dans Moi, dans mes recherches, j'ai été confronté justement à cette question, où, par exemple, au Gabon, mais pas seulement, il y a une difficulté à produire de l'information, et souvent aussi à la diffuser. Et ça, pour nous, les historiens, c'est un problème, puisqu'il ne peut pas y avoir d'histoire si on n'a pas de l'information. Et davantage sur des questions économiques, où très souvent il y a des logiques de pouvoir qui se greffent autour de ces problématiques. Voilà. Mais c'est difficile quand même d'avoir une vision purement africaine de notre histoire, en se basant uniquement sur des archives, on va dire, françaises, hein, en l'occurrence, pour ce qui est des pays francophones, par exemple. Oui, voilà, toujours la démarche hein, de l'historien, croiser les sources, aller les chercher au maximum partout. Aujourd'hui, dans le cours de l'histoire, nous réfléchissons à ce que signifie écrire l'histoire de l'Afrique, l'occasion de rendre hommage à Hélène d'Almeida Topor, qui nous a quittés en août 2020. Et justement, clin d'œil à cette histoire de l'Afrique, nous allons écouter les Amazones d'Afrique qui chantent Dombolo avec Angélique Kidjo, donc elle qui vient du Bénin, et ce sont les Amazones d'Afrique dans le cours de l'histoire. France Culture, le cours de l'histoire, Xavier Mauduit. Amazones d'Afrique qui chante Dombolo avec Angélique Kidjo dans le cours de l'histoire sur France Culture, une émission réalisée par Milena Elig avec aujourd'hui à la technique Edouard Rubinstein. Aujourd'hui dans le cours de l'histoire, nous sommes en Afrique. Nous sommes en Afrique avec Hélène d'Almeida Topor, une historienne de l'Afrique, mais une vie aussi de combat, une vie de réflexion, alors combat pour l'histoire et puis combat dans le concret de la prise de parole, une historienne qui est intéressante par tous les aspects, et c'est en ça que étudier une personne nous intéresse, c'est que nous voyons une évolution dans la démarche, nous voyons des changements d'intérêt. Pour Hélène d'Almeida Topor, il y a historienne de l'Afrique, historienne de l'économie africaine notamment, il y a une histoire de l'alimentation. Je vous propose tout de suite d'écouter une recette de cuisine proposée par Hélène d'Almeida Topor. C'était en septembre 2006 dans l'émission Concordance des temps. Les femmes ont joué un rôle très important qui n'est pas très montré d'habitude, mais c'est la fermière qui, euh, ayant des pommes de terre, a eu quand même une sorte d'inventivité. Elle ne lisait pas dans les livres de cuisine comment les faire, mais une inventivité. Alors, bien sûr, purée, écrasée, frite. Et puis, ces fameuses galettes que j'ai retrouvées, enfin, le même type de galettes, d'un bout à l'autre de l'Europe. C'est la râpée morvandelle, ou c'est la beignette de Savoie. Le paillasson savoyard. Le paillasson savoyard, ou bien ce qu'il y a en Pologne aussi, les latkes, ces fameuses latkes judéo-polonais, qui ont été importées aussi en Ukraine et tout ça. Enfin, moi j'en fais, hein, moi. Chez moi, bien sûr. Pomme de terre râpée crue, on la presse bien pour faire sortir l'eau, on met on sale, on poivre un petit peu, et alors là, tout diffère. Alors, on met de l'œuf, bien entendu, pour lier. Et puis alors, on met un petit peu de farine pour rendre un peu plus compact. On ajoute un peu d'oignon, etc., haché finement. Et tout ça, on le fait frire sous forme de petites galettes, pas très grandes. Enfin, de la grosseur d'un gros blini, si on peut faire une... Voilà. Hélène d'Almeida Topor qui nous donne ces petites recettes de cuisine, hein, donc. Concordance des temps de Jean-Noël Jeannet, c'était en 2006. Odile Görg, cette démarche, cet intérêt pour l'alimentation est aussi très pertinent en fait dans ce qu'a pu apporter Hélène d'Almeida Topor. Alors effectivement, et j'aimerais souligner deux éléments puisque vous parliez avant de la concordance entre la biographie et l'intérêt. Hélène a une histoire quand même personnelle très particulière puisqu'elle est de parents polonais. Qu'elle a été victime pendant la guerre de la menace des lois juives, anti-juives des 40, et donc elle a vécu en Savoie comme enfant à partir de 1942, et elle a gardé, vous le voyez bien dans cet entretien, elle a gardé de cette période des recettes de cuisine, qu'elle a ensuite complétées par les recettes des Afro-Brésiliens lorsqu'elle était à Porto Novo et qu'elle faisait toujours sa pintade afro-brésilienne. Et donc, il y avait cet intérêt à la fois pour la recette proprement dite, mais pour l'histoire qui se cache derrière la recette. Et c'est ce qu'elle a transmis pour l'Afrique également. Et on peut dire qu'elle est venue à l'alimentation par son travail d'économiste, son travail sériel, en commençant à travailler sur les rations alimentaires qui étaient données aux travailleurs prestataires, ou travail forcé, si... comme l'appelaient les gens, donc les rations alimentaires qui lui ont permis de montrer qu'elles étaient différentes selon les régions, qu'elles étaient différentes selon les Africains et les Européens, etc. Et du coup, ça l'a poussé à un intérêt plus historique vers l'alimentation en tant que telle. Dites-nous, Catherine Kokrividrovitch, est-ce qu'Hélène d'Almeida Topor vous a cuisiné des petites recettes, que ce soit des pommes de terre ou de la pintade? Non, pas tellement. Je n'ai pas de souvenir personnel culinaire d'Hélène, mais on en a beaucoup parlé parce que c'est un élément important de la connaissance des sociétés et une qualité essentielle d'Hélène, une qualité de chercheuse historienne, c'est la curiosité. Et à partir... Odile vient d'expliquer très bien, à partir d'un élément, on passe à un autre et à un autre, et finalement, la curiosité d'un historien est insatiable. Et l'histoire permet de sortir de son champ privilégié théorique pour l'élargir à l'ensemble. C'est ça, c'est cette curiosité qui est essentielle, et Catherine Kokrividrovitch a raison d'utiliser ce mot, et c'est sans doute ce qui caractérise Hélène d'Almeida Topor, parce que dans ses objets d'étude, nous voyons une vraie diversité. Mais Odile Görg, vous avez évoqué dans cette recherche de sources, des chants, des témoignages, bien sûr, dans les objets d'étude, il y a l'indépendance, il y a les Amazones, il y a l'alimentation. En fait, un des moteurs de la recherche d'Hélène d'Almeida Topor, c'est justement toujours d'aller plus loin et de creuser. Et là, vous avez pu suivre cette carrière, cette histoire humaine, vous l'avez évoqué. Hein. Il y a une origine importante et puis il y a cette évolution qui correspond à celle de sa vie. Alors je dirais que là, on peut... on peut distinguer ou mettre ensemble, bien sûr, des thèmes de recherche collectifs qui ont été mis en œuvre avec Catherine Kokrividrovitch et avec le CEDET qui s'appelle CESMA maintenant, sur tout d'abord la crise économique des années 30, ensuite sur les associations, ensuite sur la jeunesse. Et puis ensuite, il y a des thématiques plus propres à Hélène d'Almeida Topor, notamment lorsqu'elle est nommée professeure à Metz en 1988, puis à Paris 1 en 1994, où elle prend, on va dire, un peu plus d'indépendance par rapport à ses groupes et s'insère dans d'autres réseaux, où elle va travailler, elle, spécifiquement, donc sur l'alimentation, ça vous l'avez dit, et j'aimerais évoquer là un tout petit article sur le pain qu'elle a écrit, avec cette idée comparative entre la baguette et le pain de mie dans les colonies françaises et britanniques, à propos duquel Ibrahim Atioub, donc recteur de l'université de Dakar, me disait que c'est ça qui lui a fait mettre un doctorant sur le ravitaillement. Et puis, autre thème plus spécifique à Hélène, les transports. Elle a fait un colloque sur les transports en Afrique. Et elle s'est intéressée aux images. Et elle s'est intéressée dans les images aux timbres-poste sur lesquels elle a fait des analyses. Et puis sur les hymnes des pays africains, vous nous l'avez dit, Hélène Gorg. Et puis, Hélène d'Almeida Topor a aussi travaillé sur la jeunesse. Je vous propose d'écouter la voix d'Hélène d'Almeida Topor, qui en 1993 était interrogée sur Radio France Internationale. À propos de cet objet, Hélène d'Almeida Topor parle de la jeunesse, de son travail sur la jeunesse. Madame d'Almeida, parlez-nous un peu de la genèse de ce travail. Oui. Il faut dire que la jeunesse est maintenant un thème à la mode. Mais vous avez eu raison de le souligner tout à l'heure, c'est un thème à la mode, mais une mode relativement récente. Le phénomène, lui, est beaucoup plus lointain. Il trouve ses racines, il la plonge auparavant. Alors, dans notre laboratoire Tiers-Monde Afrique, équipe Paris 7, nous avons initié ces travaux déjà depuis plusieurs années. Par exemple, en 1989, j'avais participé avec Odile Gerg à une vaste enquête internationale, alors prenant en compte tous les pays du monde et tous les continents, sur les jeunes, les mouvements associatifs de jeunes. Ça avait donné lieu d'ailleurs pour l'Afrique, en 1990, à la publication d'un livre coédité par Odile Gerg et moi. Et la richesse de cette matière, l'importance du fait, nous est tellement apparue dans cette première approche qui quand même a couvert toute l'Afrique francophone, occidentale, qu'il nous est venu à l'idée de faire un colloque. Voilà, colloque, on sent que cette idée de colloque est quelque chose de particulier parce que ça paraît un exercice comme ça, mais non, le colloque fait vraiment avancer la recherche, on ne le dira jamais assez, et c'est pourquoi dans la période de pandémie, tous ces colloques qui sont annulés et reportés sont un véritable problème. Je voudrais poser une question à Ghislain Moupébélé Makadjoka. Dites-nous, quand vous entendez sur ces approches différentes sur l'histoire de l'Afrique, histoire de l'alimentation, des transports, des timbres-poste, des hymnes nationaux, vous qui travaillez sur l'histoire économique, quel écho cela produit par rapport à l'intérêt que les Africains, vous êtes du Gabon, les Gabonais, portent à leur histoire? C'est essentiel, ces travaux-là. Est-ce que l'histoire du Gabon est mise en avant au Gabon? Oui, c'est très intéressant de le souligner. On voit dans la démarche de d'Hélène d'Almeida Topor une diversité d'approches. On voit bien que derrière l'histoire de l'alimentation, il y a toute une histoire sociale, toute une histoire aussi des inégalités, ce qui est un peu en résonance avec la question centrale, qui est celle de l'histoire économique. Et pour les Africains, en particulier au Gabon, je crois que les Gabonais sont très attachés à leur histoire, parce que, par définition, hein, l'histoire permet quand même de mieux orienter, de mieux définir le présent et de mieux orienter, on va dire, le futur. Et donc sur des questions, par exemple, sur des questions sociales, sur des questions purement économiques, en particulier sur la question de la gouvernance, sur des questions, par exemple, de coopération économique, parce que c'est quand même, c'est l'une de mes préoccupations principales. principale. Et on le voit avec le franc CFA, qui est une question, comme vous l'avez souligné à juste raison d'ailleurs, qui perpétue quand même d'une certaine manière des logiques de domination qui souvent sont... sont source, on va dire, des tensions non seulement politiques, mais aussi sociales, parce qu'on on pense toujours que si les États africains, en particulier des États comme le Gabon, sont aujourd'hui dans un état de sous-développement, on va le dire avec beaucoup de guillemets, c'est en partie du fait que les liens qui unissent, on va dire, le Gabon à son ancienne puissance colonisatrice n'ont pas totalement été rompus, et que de ce fait, tout ce qui se produit aujourd'hui, des rapports de force, des rapports de pouvoir, se justifie justement par ces logiques. Et donc, les Africains et les Gabonais, en particulier au moment où on fête les indépendances, sont très, très, très attachés à ces questions. Et les historiens, de ce point de vue, jouent un rôle important pour pouvoir interroger ce passé qui, au final, ne passe pas. Oui, parce que maîtriser son histoire, c'est aussi comprendre le présent et peut-être éviter des pièges, en l'occurrence, en étudiant l'histoire économique de l'Afrique, des pièges de domination. Odile Guergue, vous vouliez réagir à ce qui est dit par rapport à la perception que l'on peut avoir en Afrique d'une histoire qui, il faut le dire, en l'occurrence par Hélène d'Almeida Topor, qui connaît bien l'Afrique, ou mais même par vous, hein, Chisla Mupebele Makadjoka, vous faites votre thèse à l'EHESS, donc l'École des études en sciences sociales à Paris. Quel est l'écho que peut avoir ces démarches historiques? C'est pris en compte? C'est étudié? Alors je pense qu'on ne peut absolument pas, en 2020, généraliser, et qu'il faudrait vraiment analyser pays par pays, et comme Chisla l'a évoqué avant, selon le rapport de force, selon le système politique en place, la place de l'histoire est plus ou moins valorisée. Parfois, je dirais même, la place de l'histoire n'existe plus. Enfin, l'histoire est écartée parce que l'histoire est dangereuse. Moi qui ai travaillé beaucoup sur la Guinée, c'est un pays dans lequel dire l'histoire est très compliqué. Et notamment parler du régime de Sékou Touré, en tant qu'historien, est pratiquement impossible. Pour revenir à Hélène d'Almeida Topor, je voulais rajouter quand même une chose sur l'impact aussi de ce qu'elle a fait et comment cela circule. Hélène d'Almeida Topor était, vous l'avez vu, quelqu'un qui s'empare d'objets, qui a des choses à en dire. Ce n'était pas quelqu'un qui intervenait forcément dans l'actualité. Mais elle avait vraiment à cœur à défendre, à combattre les préjugés. Et j'aimerais signaler là un autre livre qu'elle a écrit, qui s'appelle L'Afrique, collection idées reçues, où justement elle se bat 50, 60 ans après les indépendances, contre le fait que se perpétuent des idées fausses par rapport à l'Afrique, malgré tout le travail qu'elle et les autres ont fait depuis des années. Donc c'est le contraste que nous vivons tous, enseignants de l'Afrique, entre des connaissances qui progressent, je veux dire, on n'a plus besoin de dire que l'Afrique a une histoire, et puis les préjugés, les idées courantes, quoi. Donc ce petit livre, idées reçues, les démonte. Oui, et c'est important pour l'Afrique, effectivement, de combattre sans cesse ces idées reçues, et elles sont nombreuses. Odile Guergue, en évoquant Hélène d'Almeida Topor, c'est vrai que l'élément biographique que vous avez fait intervenir dans notre discussion nous permet vraiment de comprendre aussi sa démarche. Il y a un regard sur la domination, sur le totalitarisme aussi, par son existence. Il y a, dans la vie d'Hélène d'Almeida Topor, un parcours de vie qui peut nous intéresser, ne serait-ce que en écoutant son nom. Il y a le nom de Topor, faut rappeler pourquoi Topor. Oui, Topor est donc son patronyme de naissance. Donc, comme je l'ai dit avant, ses parents étaient polonais émigrés dans les années 20. Hélène a joué un très grand rôle de grande sœur pour Roland Topor. surtout pendant ces années passées en Savoie, cachée dans une ferme baptisée pour fuir la répression. Hein. Et Roland Topor, donc, qui malheureusement est décédé en 1997, était cet artiste que tout le monde connaît, j'espère, oui. Et qui a été pour Hélène une force très grande. Oui, Roland Topor, donc écrivain, dessinateur, caricaturiste, metteur en scène aussi. Et puis une pensée pour Fabrice d'Almeida, bien sûr, son fils, parce que c'est vrai, historien lui aussi, bien sûr. Et dans cette évocation d'Hélène d'Almeida Topor, c'est vrai qu'il nous a quitté le 1er août 2020, il y a eu une émotion et on l'a vu, hein, beaucoup de témoignages. Quel rapport entretenait-elle avec ses collègues, ses étudiants? On sentait un vrai attachement dans les témoignages qui ont paru juste après son décès. Hélène était une personne, une femme entière, hein, donc qui se donnait à fond. Et quand on parlait d'histoire économique avant, j'avais envie de rappeler le fait qu'elle intervenait constamment sur Franc Courant, Franc Constant, dans les soutenances de thèse, dans les séminaires. Enfin, combien de doctorants ont entendu qu'il faut surtout pas parler de Franc Courant, que ça veut rien dire, qu'il faut traduire, etc. Donc c'était une encadreuse de thèse extrêmement dévouée. Et elle a effectivement fait soutenir plusieurs thèses et gardé des contacts très proches avec ses doctorants. Voilà, alors justement, Ghislain Oupébélé Makadjoka, vous nous rappelez le titre de votre thèse, c'est toujours un exercice difficile, allez-y. Tout à fait. Alors, mon sujet est le suivant. Donc, la France, le Gabon, la France et les États de la BEAC. La Banque Centrale 1900, La Banque Centrale des États d'Afrique Centrale. Donc 1959-92, entre logique monétaire et financement de l'économie. Donc, voilà, vous avez commencé sous la direction de Dilger qui est avec nous ce matin. Tout à fait, j'ai commencé ma thèse avec Madame Gerg et là je l'ai terminé avec Lorque Noël Corr qui est directrice de recherche au CNRS. Voilà, donc une évocation d'Hélène d'Almeida Topor aujourd'hui dans le cours de l'histoire. Merci à vous Catherine Kokri-Vidrovitch. Je pense qu'il y avait encore mille choses à dire sur la personne, sur la démarche et sur l'apport en histoire. Merci Odile Görg de nous avoir merci parlé. Merci à vous d'avoir pensé à cet hommage, je trouve que... Vous voyez, il y avait deux démarches. Nous voulions parler de l'Afrique au moment où l'on fête l'indépendance et où cette indépendance n'est pas mise en avant dans l'actualité. Pourquoi pas d'anniversaire d'indépendance en ce moment? Alors je pense que Catherine Kokri-Vidrovitch l'a bien dit au début, les générations passent et 60 ans après, cela pour la population qui est très jeune en Afrique, l'indépendance c'est très loin, c'est le présent, c'est les problèmes du présent qui comptent. Voilà, les problèmes du présent, mais toujours de la recherche et des colloques, ben notamment grâce à vous également, Ghislain Oupébélé Makadjoka. Merci à vous trois. Mais il est l'heure, dans le cours de l'histoire maintenant, de retrouver Anaïs Quien et son journal de l'histoire. Anaïs Quien, bonjour. Bonjour Xavier Mauduit, bonjour à toutes et tous. Aujourd'hui, les lendemains d'Hiroshima se rappellent à nous. L'énorme champignon de poussière et de fumée d'Hiroshima est devenu le symbole par excellence de la cruauté nucléaire et de la fin de la Deuxième Guerre mondiale, l'épisode inaugural de la guerre froide qui allait régir les soubresauts du monde pendant plus de 40 ans, une représentation entêtante de la menace de destruction mutuelle entre les blocs américains et soviétiques. Le Monde relaie une enquête sur ce sujet menée par le journaliste Amin Essif de la Deutsche Welle, la radio-télévision allemande. Cette image de champignon nucléaire qui nous hante, dont les droits sont détenus par la banque d'images Getty, serait celle de Nagasaki, employée aussi bien pour évoquer le bombardement d'Hiroshima que celui de Nagasaki qui a eu lieu 3 jours plus tard, le 9 août 1945. Voici 10 ans, la ville d'Hiroshima était rasée par l'explosion de la première bombe atomique qui fit, selon la Croix-Rouge japonaise, 240 000 morts et 150 000 blessés, dont un grand nombre devait succomber par la suite. Ce jour-là, le monde apprit que l'enfer pouvait être déchaîné par les hommes.